caps, ça coupe pas pas tombé. Y'a Fifi à Kishano, Coco Chanel, Nana va play. Y'a Trinita, Asana Motte. Bataki, y'a Bataki, y'a Trinita, Asana Motte. Y'a Trinita, Asana Motte. Ah, je te salue, papa Christophe. C'est vrai ça? Yeah. C'est bon? Bah, si, bah, si, vous l'avez dit ça.